Une maison à la campagne, loin des bruits de la ville, au calme. Certains préféreront faire construire un logis à leur idée. D'autres se laisseront séduire par une maison ancienne qui aura une âme. Mais encore faut-il savoir de quelle âme il s'agit. Arrivés à la cinquantaine, Jacques et Marie-Thérèse, vers de Ray, se disent qu'ils en ont un peu assez de la grande ville. Nous avons un peu d'argent de côté, si on cherchait une maison calme. Oui, mais pas trop loin de Paris, disons, je sais pas moi, 100 km au maximum. Les Verderay hésitent entre la Normandie et la Picardie. L'est de Paris leur semble trop cher, Lyon trop isolé. Après des visites aux agences, aux notaires, on leur indique une maison de village dans une petite commune bien tranquille. Un grand portail de ferme, deux corps de bâtiment entourent une cour bien à l'abri de tous les regards, un jardin décent en pente douce, des arbres fruitiers, un cèdre du Liban. L'ensemble est en bon état, c'est le coup de foudre. Nous pourrons installer la piscine au milieu de la cour, à l'abri des indiscrets et du vent. Il y a au moins 10 pièces. Ce sera parfait si les copains viennent nous voir. Et c'est ainsi que les Verderay signent l'acte d'achat de cette maison sans style précis. Le notaire leur signale que la partie la plus ancienne date au moins du 18e siècle. Il existe 2 caves, une sous chaque bâtiment. En rentrant chez eux, les Verderay sont pris d'un doute. Le toit est en bon état, les cheminées fonctionnent, mais il va falloir revoir pas mal de choses. Eh bien, mon chéri, ce sera l'occasion d'inviter toute la bande. On va voir s'ils aiment autant le bricolage qu'ils le prétendent. Les Verderay, dans les mois qui suivent, vont découvrir que la maison leur réserve des surprises et des émotions, dont le notaire était bien incapable de leur parler. Pendant toute la belle saison, la maison devient, durant les week-ends, un centre d'activité et de travaux intenses. Les hommes gâchent le plâtre, posent les carrelages, martyrisent la plomberie. Les femmes s'affairent à la cuisine, prennent des décisions sans appel en ce qui concerne les massifs fleuris et le choix des doubles rideaux. Le soir, tout le monde se retrouve dans le salon meublé de briques et de broc. « Jacques, tu devrais installer une télé. Ce serait bien de pouvoir regarder un programme le samedi soir. »« Oh, oh, doucement. Avec tout ce que je dépense en matériel et tout ce que vous me coûtez en nourriture, j'ai plus les moyens. Hein. » Toute la compagnie traite Jacques de radin et menace de faire la grève sur le tas. Mais il n'y a pas la fatigue aidant. Les soirées sans télé, c'est un peu languissant. Jusqu'au jour où la maison se manifeste à l'attention de ses nouveaux propriétaires. Un soir, Sylvie, une collègue de Marie-Thérèse Verderay, fait une proposition. « Et si on faisait une séance de spiritisme, ça vous dirait, hein ? Ah, ce serait bien le diable s'il n'y avait pas un ou deux médiums parmi nous !» Un silence interloqué accueille cette affirmation. Une ou deux personnes se récrient. « Oh là là, moi, je me lance pas là-dedans, hein ? On ne sait pas ce que ça remue, hein ?» D'autres ricanent. « Tout ça, ce sont des âneries. Tu parles comme si les guéridons pouvaient parler. C'est du bidon, il y a un truc. » Sylvie insiste. « Nous sommes entre nous. C'est l'occasion de voir ce que ça donne. Par curiosité. Peut-être que rien ne se passera. » Et en définitive, les sceptiques et les curieux, ceux qui y croient et ceux qui ont un peu peur, tombent d'accord pour essayer. Tout plutôt que de passer une soirée sans télévision. Sylvie dit « On va essayer de faire parler le verre. Il faut une table en bois bien lisse, un verre à pied assez léger et des petits cartons sur lesquels on inscrit toutes les lettres de l'alphabet. Et après ? Bien après, on essaie. On retourne le verre au centre de la table, on dispose les cartons tout autour et 2 ou 3 volontaires posent délicatement un doigt sur le verre. Et puis on attend. On attend quoi ? Ben, que le verre bouge. Il suffit de lui demander « Esprit, es-tu là ?» Dans un silence un peu angoissé, 2 hommes et 2 femmes posent un doigt méfiant sur le fond du verre. Sylvie les encourage. « N'appuyez pas trop fort. Et si vous sentez que le verre commence à bouger, contentez-vous de garder le contact. Il faut quelqu'un avec un crayon et un papier pour noter les lettres que le verre désignera. » « Vous y êtes ?»« Esprit, es-tu là ?» « Mais ça bouge, ça bouge !»« Esprit, es-tu là ? Nous t'écoutons. Dis-nous qui tu es. » Le verre, avec une énergie et une vitesse surprenantes, se dirige vers la lettre H. Sylvie dit, note Marie-Thérèse, H. Après le H, le verre fait un joli arc de cercle et s'en va toucher le F. Sylvie commente HF. Ce sont sans doute ses initiales. Les médiums maintiennent leurs doigts en contact avec le verre. Quelqu'un dit, mais enfin c'est fou, on sent vraiment qu'il bouge tout seul. Sylvie demande, où es-tu ? Le verre, après un temps de réflexion, se lance à nouveau vers les lettres. A, U, C, I, M, E, T, I, E, R, E. La compagnie incrédule n'en croit pas ses yeux. Au cimetière ? Bah, demandons-lui si on peut y aller. Et le verre répond, lettre après lettre, « Je vous attends, je suis Henriette Fallou. » La commune est un tout petit village. Le cimetière auprès de l'église ne contient que quelques tombes. Les plus courageux disent, « On y va, prenez des lampes électriques. » Une jeune femme dit, « J'emmène une rose, au cas où on la trouverait vraiment. » 5 minutes plus tard, tout le groupe, 6 hommes et 5 femmes, se retrouve à l'entrée du cimetière. Personne, bizarrement, n'a voulu rester à la maison. Tout le monde commence à examiner les tombes plus ou moins anciennes, plus ou moins entretenues. Certaines ont encore des fleurs fraîches. « Mais ça y est, mes enfants, elle est là !» Tout le groupe rejoint Léonard qui a découvert la tombe dans un coin du cimetière. Et pas de doute, sur le marbre on peut lire « Henriette Fallou, 1896-1944 ». Incroyable! C'est le nom que le verre nous a indiqué. Elle est morte il y a 35 ans. On pourrait dire une petite prière pour elle. Hein. Alors une fois le Notre Père récité, un peu nerveusement, on n'oublie pas de poser la rose rouge sur la tombe. Et puis il ne reste plus qu'à rentrer. Et soudain on trouve que la nuit est bien fraîche pour la saison. Une fois rentré dans le salon, la compagnie considère à la table le verre et les cartons. C'est quand même bizarre. Si on recommençait pour voir. L'enthousiasme est un peu refroidi. Mais après tout, pourquoi pas, hein ? On remet le verre en place, on change les médiums et on repart pour un tour. Sylvie dit, « Henriette, es-tu là ?» Le verre, comme s'il n'attendait que ça, saute vers une première lettre. O, puis U, puis I, oui, oui, il est là. « Es-tu contente de notre visite ?»« Oui. Merci pour la rose. » La jeune femme qui a eu l'idée de la rose se met à pleurer doucement. « Oh, arrêtez, je vous en supplie, arrêtez, ça suffit. » Le verre, toujours maintenu au contact léger des doigts, semble pris de frénésie et le message arrive, rapide, lettre par lettre. « Bonsoir, allons-nous coucher, à bientôt. » Puis il balaye d'un mouvement circulaire tous les cartons et les fait tomber sur le sol. C'est fini pour ce soir, il ne parlera plus. Tout le monde va se coucher, en espérant trouver le sommeil. Mais les vers de Ray ne sont pas au bout de leur contact avec Hélène Fallou. Pris par le virus, ils renouvelleront les séances de vers par l'heure. Marie-Thérèse insiste beaucoup pour que chaque séance soit précédée d'une petite prière en commun, pour éviter les mauvais esprits. Les voisines les plus âgées confirment. « Oh oui, on l'a bien connue, cette pauvre mademoiselle Fallou, oh oui !» Elle était infirme de naissance. Ses jambes étaient atrophiées. Elle est morte vers la fin de la guerre. Elle habitait bien chez vous. Désormais, Hélène, à chaque fois qu'on l'appelle, répond avec une vivacité qui impressionne. Elle donne son avis plus ou moins favorable sur tout. Les aménagements de la maison, la couleur des papiers peints, la disposition du jardin. C'est au point que les vers de Ray n'osent plus envisager aucun changement sans consulter Henriette. Et cela dure pendant 10 ans. Pour les 10 ans de leur installation, les vers de Ray donnent une grande fête. On va faire un bal costumé, sur le thème des contes et légendes. Et tous leurs amis sont là, bien sûr. Alors le chat botté, Barbe Bleue, Cendrillon, Riquet à la Houppe, le petit poussé, la Belle au bois dormant, Blanche-Neige, son prince charmant, la méchante reine. Un photographe professionnel fait un reportage. On tire un feu d'artifice. En développant les clichés, on découvre avec incrédulité un personnage que personne n'a vu. Pourtant, pas d'erreur. Là, au milieu des feux de Bengale, il y a bien quelqu'un que personne n'identifie. Quelqu'un que personne ne reconnaît. Un petit chaperon rouge au costume rouge sang. Elle est là, avec son petit panier. Mais elle tient aussi une grosse poupée. Et elle n'a pas de jambes. Comme Henriette Fallot. Après cette apparition, elle ne se manifestera plus jamais.